Je vous demande de saluer comme il convient le président Jérôme de Bonprin. Merci. Alors, est-ce que quand on vous dit que vous êtes un président hors norme, ça vous fait plaisir ou vous êtes un petit peu méfiant? Parce que c'est vrai que dans le contexte du football français et européen, qui est en général, d'être quelqu'un d'un peu, on va dire, particulier. Je ne sais pas. C'est un commentaire que j'ai entendu assez souvent en arrivant, en particulier à la Ligue. On m'a fait la remarque que j'étais nouveau dans le football français et quelqu'un qui débarquait de l'étranger. Je rappelle, et j'ai rappelé à ces gens-là à chaque fois que... Vous n'entendez pas? Alors, un petit peu plus près. Voilà, là c'est parti. Donc, la référence était que lors de mon arrivée à la Ligue, les différentes réunions des présidents de clubs de LA, on me faisait la remarque qu'apparemment j'étais un nouveau venu, quelqu'un qui débarquait dans le football. Je rappelais alors à tout le monde qu'en fin de compte, avant d'être nommé président de l'AS Monaco, j'en étais le plus ancien des administrateurs. Parce que je suis administrateur de l'AS Monaco depuis 2001. Et tous les administrateurs qui m'ont accueilli à cette époque n'en sont plus. De même, je suis administrateur de la Fédération américaine de football depuis 1994, où je tiens différentes fonctions au niveau de la formation, au niveau du développement commercial, au niveau de la gestion des actifs de la fédération. Le football n'est pas nouveau pour moi. Ce qui est effectivement nouveau, c'est de diriger l'entreprise de l'AS Monaco. Mais je m'y sens tout à fait comme un poisson dans l'eau. Ça n'a pas été facile parce qu'on a l'impression que vous avez pris une équipe qui était pratiquement exsangue. L'expression est vous, elle avait déjà un pied en deuxième division. Et le calendrier étant ce qu'il est, il fallait que vous ayez reconstruit la maison sur des bases nouvelles, solides, ambitieuses. Peut-être même risqué, mais ça fait partie aussi du charme de l'aventure, dès la fin du mois d'août. Alors c'est vrai, on nous dit qu'à mon arrivée, ça fait à peu près 5 mois aujourd'hui, puisque je suis arrivé le 9 avril, nous avions un état de crise. Nous avions une équipe qui était au bord de la deuxième division, et au sein de laquelle il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes entre les joueurs et le staff technique, entre le staff technique et les dirigeants. Et donc incontestablement, la première priorité, d'une certaine manière, c'est de faire replier pour le club, c'est de sauver le navire. Donc de ne pas descendre en L2, puisque dans le football, l'économie des clubs est telle qu'il y a un gap énorme entre la L1 et la L2, et que pour notre organisation, pour notre entreprise, une descente en L2 aurait été catastrophique. Donc entre le début avril et la mi-mai, il a fallu s'assurer qu'on puisse rester en L1, et à cet égard, c'était un relatif succès, puisqu'on a terminé 10e dans ce championnat, ce qui, par rapport à ce que doivent être les objectifs de l'AS Monaco, n'est pas un bon résultat, mais par rapport à une descente en L2, était en soi un succès. Après, il a fallu très rapidement s'affairer aux raisons, si vous voulez, des problèmes derrière ces conflits de personnes, ces conflits d'identité à l'AS Monaco. Donc, le plus gros de mon temps a été consacré à une réorganisation. Une réorganisation, c'est toujours difficile, parce que c'est imposer des changements, c'est pas facile d'être l'agent du changement, ça l'est encore davantage, donc ça implique malheureusement des départs. Donc pendant le mois qui suit la fin du championnat, il a fallu que je remette, d'une certaine manière, l'entreprise sur les rails, puisse redonner aux employés de l'AS Monaco un peu d'espoir dans l'avenir, et leur remettre, c'est comme ça que je l'ai écrit à l'époque, le sourire aux lèvres. Sachant que le championnat reprendrait très vite, puisque finalement la trêve est assez courte. On reprend l'entraînement avec les professionnels le 1er juillet. C'est bien évidemment dans l'intérêt des clubs comme le nôtre d'avoir des effectifs, autant qu'on peut le faire, complets au 1er juillet. C'était difficile vu les circonstances. Donc c'est vrai qu'on a mis du temps à faire venir des joueurs qu'on voulait recruter. On a également eu un petit peu de mal à faire partir des joueurs qui voulaient partir, qui voulaient inciter à partir. Et malheureusement pour nous, le football français est organisé d'une telle manière que l'on démarre le championnat tout en laissant le mercato ouvert pendant plus de 3 semaines. Et donc, lorsqu'on a accueilli Paris pour notre premier match, on avait encore 3 semaines et demie devant nous pour recruter. non pas qu'en soi, ce soit un mal d'avoir plus de temps, mais du fait que le marché reste ouvert jusqu'à la fin du mois d'août, et bien finalement les clubs sont beaucoup plus réticents à laisser partir des joueurs qui leur sont demandés, et attendent tous, finalement, jusqu'à la dernière semaine, voire les derniers jours, parfois les dernières heures, pour accepter les transactions sur lesquelles nous, par exemple, nous étions positionnés. Et donc, il a fallu consacrer le gros de l'été à essayer de réaliser nos objectifs. Comme vous avez pu l'observer, finalement, il y a eu peu de mouvements. On dit l'équipe a changé, mais en réalité, on a recruté une demi-douzaine de joueurs, on en a fait partir un petit peu plus. C'est peu par rapport aux années passées. Ça a été beaucoup plus ciblé et on a essayé de le faire en se tenant aux impératifs économiques qui, nous savions, seraient peut-être plus difficiles cette année que par le passé. Alors, à cet égard, je tiens vraiment à saluer notre entraîneur Ricardo, dans la mesure où les entraîneurs, malheureusement, mais c'est un fait, on le sait, en général, ont des vies assez courtes dans les clubs français, et donc tentent en général de maximiser leur présence en mettant souvent la pression sur leur président ou leur dirigeant pour avoir les meilleurs joueurs possibles. Or, j'ai trouvé en Ricardo quelqu'un d'extrêmement solidaire des problèmes de l'AS Monaco, qui dès le départ m'a demandé ce qu'étaient nos moyens, qui ne m'a jamais mis la pression, ne m'a jamais imposé un choix onéreux et qui, lors des décisions qu'on a dû prendre en termes de départ et arrivée, était toujours sensible à l'aspect financier. Et on a en fin de compte, je crois, lui et moi, très bien réussi dans notre démarche, d'une part à faire partir les garçons au haut salaire et au comportement, disons, discutable, qui étaient en partie, eux, responsables de la mésentente qui régnait au niveau de l'équipe, faire venir des joueurs, de manière générale, beaucoup plus jeunes, et des salaires inférieurs. Et de ce fait-là, on a réussi à construire une équipe en faisant de grosses économies, équipe qui, à nos yeux, est plus solide, plus compacte, avec un potentiel plus important que celle que nous avions au mois d'avril, lors de mon arrivée. C'est à peu près conforme au tableau de marche, vous êtes à 2 points du troisième, je dirais que il reste encore une bonne trentaine de matchs, alors ça ne sert à rien de peut-être faire une photo comme ça, mais c'est à peu près ce que vous espériez. J'espérais mieux. Je crois qu'on a été très chanceux avec le calendrier, dans la mesure où, en dehors de Paris, on a hérité finalement jusqu'au match de dimanche, 5 clubs à notre portée. Parce que finalement, on a joué à Nantes, qui était un promu, on a reçu Caen, on est allé jouer à Grenoble, un autre promu, et on a accueilli Dorient. C'est d'une certaine manière un calendrier beaucoup plus amical, si vous voulez, que si on avait dû jouer dans la foulée, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, et ainsi de suite. Donc, à la vue du calendrier, j'avais l'espoir qu'on ait une dizaine de points aujourd'hui. On en a 8. C'est beaucoup mieux que beaucoup d'autres. Mais nos objectifs sont clairement d'arriver à accrocher certainement la première partie du tableau, voire les 6 premières places. Donc je suis satisfait parce que on a vu de bonnes prestations. Je crois qu'on voit un bon esprit d'équipe. Mais je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas gagné à Nantes, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas gagné contre Caen, mais j'étais très déçu de perdre à Grenoble. Alors, on va revenir sur certaines choses, mais très rapidement, vous auriez dit, c'est certain, est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'un jour en jouant au football avec les princes souverains, quelques années de ça, vous avez dit, un jour je serai président de ce club-là. Oui, je l'ai dit, j'ai dit plusieurs fois. Et je lui ai répété maintes et maintes fois depuis 25 ans. Donc c'est vrai, on s'est connus, je dois ma présence à Monaco, une coïncidence heureuse, qui était celle de me retrouver à l'université aux États-Unis, à un endroit qui s'appelle Amherst College, qui est à l'ouest de Boston, à peu près 1 heure de route à l'ouest de Boston, de me retrouver à Amherst en compagnie du prince Albert, dont j'ai fait la connaissance sur le terrain de football, puisque Amherst, comme toutes les universités américaines, pratiquent beaucoup de sport. Il y avait une équipe de football. J'ai fait sa connaissance à mes premiers entraînements. Et le football nous a lié. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc pour suivre le championnat de France, il fallait avoir la chance d'avoir un ami auquel sa famille envoyait des journaux français. Et le prince Albert faisait partie de ses amis qui recevaient régulièrement France Football, l'équipe, Bon, bien sûr, avec 3-4 jours de retard, mais comme c'était la seule manière de suivre le football, et ben, en général, après on faisait des entraînements, on s'asseyait au bord du terrain et on fréquentait l'équipe ensemble. Je me souviens à l'époque, l'équipe de Nani était jaune, si je me trompe. Ouais. Et c'était celui qu'on lisait le plus. C'était l'époque de Deluani, c'était l'époque où, si je me souviens bien, l'ASM avait gagné le championnat de L2 en 77-78 et de L1 en 78-79. Et nous sommes connus à Meurthe en 78. Donc c'était l'époque où les choses allaient bien pour l'AS Monaco. Et je lui dis souvent en rigolant qu'un jour je serai entraîneur. Parce qu'à l'époque, quand on est jeune et qu'on joue, on pense plus être entraîneur que président. Et puis, depuis des années, j'ai effectivement parlé de prendre un jour la présidence de l'AS Monaco. Mais est-ce que c'est vrai que vous êtes le seul président dans le contexte du football français qui a un diplôme d'entraîneur? Ça, je ne sais pas. Comment vous savez pas? Je ne sais pas si je suis le seul. Ah, vous êtes le seul, c'est probable. Enfin, vous avez un diplôme d'entraîneur. J'ai un diplôme d'entraîneur, et ce dont je suis peut-être encore plus fier, c'est que je suis également arbitre. Alors, je crois que je suis le seul arbitre diplômé à être entraîneur, à être président d'un club. Président, entraîneur, arbitre, c'est quand même une norme rare dans le football européen. Les joueurs, les joueurs. C'est pas fait. Les joueurs. Bah oui, évidemment, les joueurs. J'ai déjà vu ça. Là, il y en a quand même eu quelques-uns. Il n'y en a pas eu beaucoup en Italie. J'ai lu dans des choses sur vous dans un papier très joli d'ailleurs, qui s'appelait L'ami américain, qui apprenait un peu le titre d'un. L'ouvrage de François-Olivier Gisbert. Donc, parfois, on s'interroge, on se dit, mais qu'est-ce qui a provoqué cet déclic d'affaires reconnues, un financier reconnu qui a fait toute sa carrière aux États-Unis? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous décrochez, je ne vais pas dire que vous laissez tout tomber, enfin, vous venez tenter une aventure ici qui est spéciale. En plein milieu de votre vie, c'est un virage, c'est une expérience, et ça, vous vivez ça comment? Je ne dis pas entre ce que vous avez laissé derrière vous, je ne dis pas celui-là, mais quand même. Si c'est une interrogation, effectivement, on peut se poser la question. Si c'est une question que vous me posez... Il me semble, c'est plus qu'une réflexion. Ouais. Le football est avant tout une passion. On a tous des passions dans la vie, et on a rarement l'opportunité de les vivre. Le football me passionne depuis mon jeune âge. J'ai eu la chance de jouer, la chance d'entraîner, la chance d'arbitrer. Je suis devenu administrateur de la Fédération américaine, comme je disais tout à l'heure, en 1994. Donc, le football est ma passion, ma deuxième vie, côté des affaires. J'ai eu la chance, dans les affaires, de relativement bien réussir, et donc de pouvoir, en vieillissant, consacrer davantage de temps au football que par le passé. Lorsque le prince Albert m'a demandé de devenir administrateur de l'AS Monaco, comment aurais-je pu refuser? Lorsqu'il me demande de prendre la présidence de ce club tellement prestigieux, comment refuser? C'est une telle opportunité de vivre ce rêve de jeune enfant d'être totalement impliqué dans un club de football professionnel, que vraiment si j'avais dit non, ou si j'avais voté en touche en disant peut-être plus tard, je crois que je l'aurais regretté le reste de mes jours. Il n'y a pas un jour où vous avez dit que c'est peut-être un cadeau empoisonné parce que... Non, mais je savais que c'était un cadeau empoisonné. Mais c'est quelque chose dont on parlait beaucoup depuis, finalement, le départ de Jean-Louis Campora. Parce que je suis devenu administrateur un an et demi avant le départ de M. Campora. Et c'est un sujet qu'on avait abordé à plusieurs reprises. Donc, ce n'était pas une surprise totale pour mon épouse ou pour mes enfants d'apprendre que... on allait sans doute s'installer à Monaco. Alors, en dehors de la révolution personnelle que ça implique, quel regard vous portez-vous aujourd'hui en débarquant dans ce football français que l'on dit très inférieur en niveau à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Espagne, à l'Allemagne? Alors, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut s'adresser au président, on peut s'adresser au joueur, on peut s'adresser à l'arbitre, on peut s'adresser à l'entraîneur. Magnifique. Alors, encore une fois, je ne débarque pas. En qualité, vous débarquez sûrement. En qualité, comment vous jugez ça? Parce que bon, comme tout le monde, vous regardez les matchs à l'étranger, puis vous voyez le niveau du football hexagonal. Je crois que la vraie carence du football français est un peu à l'image du peuple français. Et je ne dis pas ça comme une critique, mais plus comme un constat. Les Français ne s'exportent pas. Les dirigeants de la Ligue française n'ont pas encore pris conscience du fait que s'il y a peut-être 75 ou 80 millions de Français, je ne sais pas quel est le chiffre exact, il y a 6 milliards et demi d'habitants sur notre planète. Et dans ces 6 milliards et demi d'habitants, il y a un nombre croissant de passionnés de football. Le pays au monde où le football est le plus regardé à la télévision, je vous pose la question, est-ce que vous le savez, c'est la Corée. Le pays où le joueur le mieux payé joue au football, c'est aux États-Unis. Les masses salariales les plus importantes pour les clubs de football sont bien sûr en Angleterre, et après l'Angleterre, la Russie. Donc, on est aujourd'hui dans un environnement économique pour le football où les pays émergents d'hier sont aujourd'hui quasiment les pays dominants. Or, quand on observe les revenus des clubs de football de la L1, on s'aperçoit que jusqu'à l'année dernière, alors qu'on se vantait de pouvoir faire 650 ou 700 millions de revenus au niveau national avec les droits TV, qu'à l'international, on en faisait 6. Alors, ils ont fait un petit effort l'année dernière, on est passé à 20. Mais 20 millions de revenus par rapport à maintenant 700 pour le national, ça fait sourire. C'est-à-dire 75 millions de spectateurs vont nous fournir 700 millions, et 6 milliards, 925 millions vont nous en faire 1 million, il y a un déséquilibre. Il est d'autant plus frappant que quand on compare nos chiffres à la Ligue allemande, à la Ligue espagnole, à la Ligue anglaise, on s'aperçoit qu'en Angleterre, par exemple, les revenus internationaux sont de 320 millions de sterling, soit grosso modo 350 millions d'euros. 20 millions, 350 millions. L'écart est trop important. Il ne s'agit pas de faire le procès de la formation, ou de l'arbitrage, ou des stades. Il faut prendre conscience du fait qu'avec les technologies d'aujourd'hui, le football est un spectacle. Et que si on ne veut pas l'accepter, eh bien, au niveau économique, l'écart va continuer à se creuser et on va se retrouver en France avec des équipes aux moyens qui seront tellement inférieures aux moyens des clubs étrangers qu'on finira par disparaître. Alors attendez, justement, oui. Quand vous dites le football à Monaco, c'est viable, c'est une bonne raison, qu'à condition de faire partie d'une élite européenne, d'être toujours, si possible, en haut, sur le haut du panier. Comment vous allez arriver à tenir ce pari-là avec une affluence de 10 000 spectateurs par match en meilleur des cas, et avec un budget, c'est combien le budget de l'AS Monaco aujourd'hui? La notion de budget dans le football, elle est très vague, parce que c'est une question de savoir si vous incluez dans le budget les mutations de joueurs ou non. Et j'aime parler hors mutation, c'est-à-dire quelles sont les ressources et les dépenses du club. Et le chiffre juste, aujourd'hui, c'est à peu près 50 millions d'euros. Ce qui reste quand même loin par rapport à Marseille et à Paris ou à Lyon, qui eux-mêmes sont loin des gros budgets européens. Mm-hmm. Donc, question encore une fois, comment vous allez arriver à tenir un objectif d'être sur le dessus du panier européen avec une influence qui est faible, mais vous aviez parlé tout à l'heure des technologies modernes, etc. Est-ce que vous avez d'autres idées là-dessus, justement? Samedi soir, pour ceux d'entre vous qui étaient au stade, je crois que le speaker a annoncé à un moment qu'il y avait 7 millions de spectateurs dans le stade. Le speaker n'avait pas bu, c'est vrai. Ouais, il y avait donc 7 000 sur 18, bon, c'est pas assez. Même si on avait 18 000 spectateurs à chacun des matchs, en soi, c'est pas suffisant. Pour donner une ordre de grandeur, imaginons qu'on ait en moyenne 10 000 spectateurs par match, 19 matchs de L1 par an, ça fait 190 000 spectateurs dans les stades. Côté de cela, on a un site internet dans lequel on s'est beaucoup investi en arrivée, qui n'a pas encore suffisamment évolué, à mesure où on a besoin de le rendre encore plus accessible. On va le traduire en une demi-douzaine de langues, à commencer par l'anglais, le coréen, pour un tas de raisons évidentes. Mais notre site internet aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est 55 000 visites individuelles quotidiennes. Tous les jours, nous avons 55 000 visiteurs. Alors vous mettez 7 000 personnes au stade samedi soir, 19 fois par an. Comparer ça à ce qui est aujourd'hui 55 000 visites par jour, vous comprenez que l'AS Monaco, la marque AS Monaco, a un véritable pouvoir de communication. Et que, sans se donner des objectifs faramineux, dès qu'on aura une plateforme plus moderne, avec des langues étrangères, devrait pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé d'ici la fin d'année, qui est d'avoir 100 000 visiteurs jour sur le site. Ceci illustre très bien ce que je vous disais tout à l'heure sur l'appétit du reste du monde pour le football. Et donc, est-ce que l'AS Monaco, avec son stade Louis II, si magnifique soit-il, mais qui ne peut accueillir que 10 000 spectateurs, est-ce qu'on peut arriver à développer des budgets qui nous permettent d'être compétitifs avec le Real de Madrid, AC Milan, Manchester? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais les moyens de ces clubs qui sont dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, et avec une renommée qui est au-delà de l'AS Monaco. Mais dans le football, il ne suffit pas de gaspiller de l'argent pour être bon sur le terrain. L'histoire a démontré qu'avec un bon centre de formation, et on a à l'AS Monaco un centre de formation exceptionnel, on a cette capacité, au-delà des budgets qu'on va développer, on a cette capacité de produire des jeunes joueurs qui peuvent jouer pour nous pour quelques années à moindre coût, et on a également cette possibilité de développer des joueurs qu'on va ensuite aller vendre dans ces, ce que j'ai écrit tout à l'heure comme étant des pays émergents, puisqu'il y a une demande croissante pour le footballeur de qualité. Et là, je fais une parenthèse rapide sur un discours que j'ai fait hier soir pour une remise des prix aux lauréats du centre de formation, dans la mesure où, je crois qu'on ne le dit pas assez, on fait un véritable effort à l'AS Monaco pour la scolarité de nos joueurs de football. Et on a annoncé hier soir que nous avons eu une réussite au baccalauréat en juin dernier de 100%. Nous avons 8 garçons qui ont été présentés par le centre, qui ont tous passé le baccalauréat, dont 2 avec mention, une mention bien et une mention assez bien. Donc, à l'AS Monaco, non seulement on fait l'effort de produire de bons footballeurs, mais on essaye d'en faire des athlètes intelligents. Donc, pour revenir à votre question, que le budget soit 50 ou 75 ou 100, ça serait plus facile effectivement de se dire on peut avoir tous les joueurs que l'on veut à n'importe quel prix. Mais ce que l'on découvre dans le football, c'est un petit peu comme à la bourse finalement. Il y a des transactions qu'il faut savoir faire, et il y en a d'autres dont il faut s'abstenir. Pour nos amis banquiers qui sont là aujourd'hui, je crois qu'ils sont d'accord avec moi pour reconnaître que souvent la meilleure transaction, c'est celle que l'on ne fait pas. Dans le football, on s'aperçoit que effectivement on peut embaucher une grande vedette de 32-33 ans qui coûte très cher. Mais qu'est-ce qu'on achète en fin de compte? On achète son passé, on n'achète pas son potentiel. Et par le passé, j'ai eu le sentiment que peut-être pour des efforts médiatiques, on avait tendance à avancer de l'argent en se disant si on prend tel joueur, et je ne vais pas en nommer, et si on prend tel ou tel joueur, et finalement on va parler davantage de nous, mais en termes de retour sur investissement, autour de sa capacité d'avoir un véritable impact sur l'équipe, c'est très limité. Et j'espère que cette année, avec les moyens que nous avons, on arrivera à démontrer qu'avec des budgets en forte réduction, parce qu'on a fait de vraies économies cet été, on arrivera à avoir une équipe qui fera du beau spectacle et qui sera compétitive sur le terrain. Si vous pensez de cette politique, il n'y en a peut-être pas une, mais on va dire plutôt cette politique de surenchère qui fait que les gens mettent 40 millions sur la table pour s'acheter Mourinho à Manchester City, on parle de Valls à 130 millions pour avoir Cristiano Ronaldo, on peut prendre plein d'exemples comme ça. Cette surenchère-là, est-ce qu'elle a un bout dans l'extravagance? Est-ce qu'elle a une fin? Est-ce qu'à un moment donné, où il va quand même falloir revenir peut-être un petit peu plus sur le plancher des vaches? C'est inévitable, c'est la réalité de la vie. On peut dépenser, on peut emprunter, une sorte de fuite en avant, et puis il arrive un beau matin où il faut payer. Et l'exemple anglais, il l'a beau démontrer dès cette année. Avec les problèmes boursiers que l'on connaît, on s'aperçoit que même à Chelsea, où on avait le sentiment d'avoir un milliardaire engagé avec des moyens sans fin, eh bien, une déclaration dans les Herald Tribune, je crois, avant-hier, dans laquelle ils annonçaient que cette année, les budgets étaient en baisse, que cette année, ils avaient vendu avant d'acheter, et qu'ils étaient heureux de s'être séparés de tel et tel joueur, de manière à réduire la masse salariale. Donc, on trouvera toujours des passionnés. Il y aura toujours, c'est peut-être pas en soi une mauvaise chose pour le football, on trouvera toujours des gens qui auront envie de s'investir dans le sport, qui auront envie de produire des équipes soi-disant de qualité en achetant des joueurs à prix fort. Mais dans la finalité, ce sont des choses qui ne durent pas. Et on a heureusement également de nombreux exemples d'équipes dans lesquelles des investissements massifs ont été faits sans de résultats sportifs. Regardez le cas du transfert d'un garçon qu'on connaît bien à Monaco, Thierry Henry, qui est au sommet de sa gloire et de sa carrière à Arsenal, s'est transféré à Barcelone avec un tas d'autres grandes vedettes à prix fort. Barcelone ne gagne même pas le championnat d'Espagne. Real Madrid autrefois avec Ronaldo et Zidane, on pensait qu'ils avaient gagné la Champions League année après année, ils n'ont pas gagné. Et à côté de ça, souvenez-vous en 2004, parce que nous étions nous en finale de la Champions League, nous n'avions pas en face de nous l'AC Milan ou le Real, le Bayern, une équipe anglaise, on avait le FC Porto. Donc je crois que même si c'est de plus en plus difficile, l'équité sportive fait qu'en fin de compte, pour tout match, quand il y en a 11 joueurs contre 11, on arrive à avoir un spectacle qui n'est pas toujours prévisible. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, ça remonte, je ne sais pas si c'était 7 ou 8 ans, il y avait un match amical entre la France et l'Andorre, qui était joué à Paris. Donc si je me souviens bien, la France avait gagné 1-0 sur un but marqué à la 90e minute. Vous aviez d'un côté 11 joueurs qui gagnaient tous des millions d'euros par mois. Ils avaient en face de 11 amateurs, et après 90 minutes, c'était 0-0. C'est bien la preuve que dans le football, on peut faire des choses avec ses moyens. Est-ce que ça vous gêne quand on vous dit, je pense à ça, je vous parlais de Barcelone les années précédentes, je me souviens d'une époque où à Barcelone, on parlait plutôt le hollandais que l'espagnol dans l'équipe. Oui. Ah, pratiquement. Il fallait chercher quelqu'un qui soit vraiment de nationalité catalane pour trouver quelqu'un de local, entre guillemets. Ça vous embête quand on dit que Monaco c'est la légion étrangère, qu'on se demande comment votre entraîneur fait pour parler le croate, l'espagnol, le portugais, c'est sa langue natale, le français, l'anglais, je ne sais plus quoi encore. Donc ça ne me dérange pas du tout, c'est un faux problème. Ça ne me dérange pas plus que ça dérange les anglais et les espagnols, puisque que ce soit à Liverpool, à Manchester, à Arsenal, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez d'anglais en Angleterre, qu'il n'y a pas assez d'espagnol en Espagne, qu'il n'y a pas assez de français à Monaco. Mais alors tout d'abord, on est là pour faire du spectacle, on est là pour produire une équipe qui joue bien au football. Donc avec les moyens qu'on a, on va aller chercher là où on peut les trouver. Ensuite, ils sont tous des footballeurs et la seule langue qui compte sur le terrain à l'entraînement, c'est le football. Il y a très très peu d'exemples de clubs qui étaient confrontés à des problèmes, à des questions de communication. Ici à Monaco, on a beaucoup de nationalités. C'est vrai, on peut parcourir le monde et on s'aperçoit que historiquement, on a toujours eu des joueurs d'Amérique du Sud, argentins, brésiliens. Cette année, on a un Colombien, on a plus Uruguayens. D'Europe de l'Est, on a toujours eu des joueurs de soit la République tchèque, Slovaquie, Slovénie. Aujourd'hui, c'est la Croatie. On a eu souvent par le passé des joueurs scandinaves, on n'en a pas cette année. Des joueurs africains, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, ils sont là. Ce qui est un petit peu différent cette année, effectivement, et ça c'était voulu, mais c'est quelque chose qu'on s'est imposé dès le départ. On a un joueur qui vient d'Asie, on a un joueur qui vient des États-Unis. Étonnamment, les Français parlent mal l'anglais. Et c'est vrai dans le football. Et c'est quelque chose qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'au niveau du centre de formation, il faut qu'on fasse de vrais efforts pour faire en sorte qu'à 18 ans, nos jeunes puissent s'exprimer au moins en italien, ou peut-être en espagnol ou en anglais. Et donc, on fait venir un jeune américain. Surtout, il vient de passer un an au Portugal, parce qu'il a joué à Benfica. Donc, il arrive chez nous, il parle parfaitement le brésilien. Le portugais, pardon. Et puis, on embauche un jeune asiatique, quelqu'un qu'on avait ciblé, mais sans savoir que dans sa formation, il avait passé un an au Brésil, et qui donc parle parfaitement le portugais. Donc, aujourd'hui, c'est amusant de voir aux entraînements Ricardo s'exprimer avec et Freddy Adu et Park Chuyang en portugais. Alors, il peut parler en portugais, les 4-5 sud-américains qui sont en équipe n'ont pas beaucoup de problèmes. Pour le reste, tout le monde parle français, peut-être à l'exception de Dario Simic, qui lui est un croate. Ça, pas faire preuve de mauvais esprit, mais si Simic, le croate, il n'a plus une relance sur votre nouvel attaquant de pointe coréen, mais le rengueulade sur le terrain, ça doit quand même... Mais non, justement, ils vont pas s'attraper, parce que... Parler, oui, c'est bien, ça évite les mots d'oiseau. En matière de communication, vous avez mis des grands écrans, vous avez fait une énorme campagne sur les tarifs aussi, vous recrutez des abonnés, vous êtes content des premières retombées? Vous avez encore fort à faire. Je ne vais pas prendre le crédit des grands écrans, parce qu'ils ont été commandés bien avant mon arrivée, c'est vrai qu'ils ont été installés au début de cette saison. Les grands écrans sont importants parce qu'ils nous permettent d'offrir un spectacle supplémentaire. Ce que j'aimerais en fin de compte, c'est que les gens qui viennent au stade en repartent avec le sentiment d'avoir passé une bonne soirée, d'avoir eu une expérience agréable, qui va au-delà du seul match de football, qui débute le moment où ils rentrent dans l'enceinte du stade et se termine quelques minutes après le match. Au niveau des abonnements, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce qu'on a un stade qui, malgré sa beauté, est maintenant à 25 ans d'âge, n'est pas totalement adapté aux impératifs économiques du football. Il faudrait qu'il y ait une vie économique au sein du stade qui n'existe pas aujourd'hui. À part vie économique, je veux dire qu'il faudrait qu'il y ait davantage de restauration, il faudrait qu'il y ait davantage de boutiques, il faudrait qu'il y ait cette possibilité pour les gens qui viennent sur Monaco pour un match, en fin de compte, d'avoir une expérience à Est Monaco qui débute quasiment au moment où ils arrivent sur le parvis. Donc aujourd'hui, on fait d'une certaine manière avec les moyens du bord. Un abonnement annuel à 70 euros pour les deux âges, c'est très bon marché. On m'a dit que c'était, en fin de compte, le second meilleur marché de France. Alors, est-ce que ça correspond vraiment à l'image du club, à l'image de Monaco, d'offrir le pesage à ce tarif, alors qu'on sait qu'à Londres, par exemple, à Arsenal, c'est 1200 euros l'abonnement annuel pour le même nombre de matchs. 1200 euros, 70 euros, on n'est pas à Arsenal, on n'est pas à Londres. Mais clairement, il y a une marge qu'il faut réduire, sachant, c'est ce que j'ai dit au groupe de supporters, il faut que tout le monde soit solidaire. Si on veut voir, prenons l'exemple Ronaldo, si on veut voir Ronaldo jouer à Monaco, il faut que Monaco en ait les moyens. Pour que Monaco en ait les moyens, il faut que nous, dirigeants, on puisse développer l'ensemble de l'activité économique à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, mais il faut aussi que les supporters qui viennent au stade aient envie de venir et soient prêts à payer le prix de la soirée. Il y a un sujet sur lequel je me suis attaqué dès mon arrivée, c'est celui des invitations. Le football, c'est un monde extraordinaire. C'est un milieu où les gens sont tous prêts à prendre l'avion pour venir à un match. Donc, ils dépensent 1000 euros pour faire Paris-Nice. Ils payent 100 euros pour prendre le taxi pour venir à Monaco. Ils vont dépenser 500 euros pour aller dans un bel hôtel. Ils vont dépenser autant pour faire un bon repas. Et puis, ils m'appellent à Est Monaco et ils veulent une invitation pour venir au match. Mais je vous assure, il y a cette mentalité que finalement, on ne doit pas payer pour le football. Et j'ai pris position que non, l'AS Monaco n'allait plus subventionner Air France et SNCF. Il faut que les gens payent. C'est un spectacle. Et je crois que plus ils paieront, plus ils apprécieront le spectacle. C'est à force de donner des choses trop bon marché, trop gratuites, elles seront moins appréciées.